Peu importe si on s'entretue, on va s'en remettre et recommencer. Je pense à Rue Miguel, je pense à Curtis, bien meilleur que nous, qu'il repose en paix. Tous les jours, je prends pas de substance, j'ai besoin de rien pour l'altération. Je suis pas le bienvenu, ils m'ont fermé la porte, j'arrive par les conduits d'aération. Bélec, si tu m'interroges, ça te plaira pas, fais pas le curieux. Et si t'as peur que ton frère te fume, j'ai presque envie de te dire fume-le. Fuck tous ceux qui sont bien pensants, à défaut d'être pensant tout court. Dans une autre vie, j'ai dû faire la guerre, les cris des victimes, je les entends toujours. 21, c'est l'âge que j'avais lorsque j'ai dû fêter mes 40 ans. Les rappeurs français dans l'opulence, c'est moi Némésis, j'applique la sentence. J'arrive dans la drill, ils sont comme Jameson, comme si je viens d'Irlande, comme le Jameson. Ils font leurs vacances à Crystal Lake, j'arrive dans la maison comme Jason. Fuck avec vrai, autour de moi, pas de fougaze. L'ennemi a peur, fusil d'assaut, fais du showgaze. Ce qu'ils t'ont dit sur Amédée, c'est des foutaises. Django c'est deep comme le message dans la bouteille. Fuck avec vrai, autour de moi, pas de fougaze. L'ennemi a peur, fusil d'assaut, fais du showgaze. Ce qu'ils t'ont dit sur Amédée, c'est des foutaises. Django c'est deep comme le message dans la bouteille. Les idiots utiles sous couvert d'humanisme et de gouvernance mondiale sont les nouveaux nazis. Trouble identitaire fait comme Friedrich. Connais-toi toi-même, rien ne pousse sans racine. Tu veux pas grandir, on te coupe les jambes. Chaque problème a sa solution. J'écoute la jeunesse, ça tient pas la route comme de ralasse pour l'absolution. Les femmes c'est ma vie, c'est ma thérapie. J'ai mal au plexus comme à Terazzi. Et je sais très bien d'où je viens. À l'annulaire, chevalière héraldique. Nique un lobby pharmaceutique. Si j'ai la migraine, je fume la CBD. Et la concurrence, je les connais pas. J'en ai rien à foutre comme à Kelele. Flemme 8 dans la kitchen, en embuscade qu'ils vendent tout. Qu'il pleuve, le vrai danger, c'est leur démagogie. J'aime pas les femmes qui ressemblent à Kristen. Les bonnes intentions, c'est pas le chemin à suivre. Ils ne font qu'en vanter les mérites à mon futur fils. Pour faire toi un homme, il y a de fortes chances que je te déshérite. Fuck avec vrai, autour de moi, pas de fougaze. L'ennemi a peur, fusil d'assaut, fais du showgaze. Ce qu'ils t'ont dit sur Amédée, c'est des foutaises. Django c'est deep, comme le message dans la bouteille. Fuck avec vrai, autour de moi, pas de fougaze. L'ennemi a peur, fusil d'assaut, fais du showcase. Ce qu'ils t'ont dit sur Amédée, c'est des foutaises. Django c'est deep comme le message dans la bouteille. We'll be right back.